Le bouddhisme au Tibet, précédé du résumé des précédents systèmes bouddhiques dans l'Inde, par Émile de Schlaginweit, traduit de l'anglais par Monsieur de Miloué. Chapitre 6. Le système du mysticisme. Caractère général. Système Kala Chakra. Son origine. Ses dogmes. Le contact des bouddhistes avec leurs voisins païens introduisit graduellement dans leurs croyances des idées étrangères, de là la naissance d'un système nouveau plein de modifications mystiques. Nous voyons déjà dans les dernières écoles Mahayana, principalement dans la branche Yogacharya, une tendance plus générale vers les notions superstitieuses, mais les principes de théologie mystique, comme ceux que nous trouvons dans le bouddhisme contemporain, ont été développés principalement dans le système plus moderne qui, indépendamment des premiers, prit naissance dans l'Asie centrale. Ces théories furent plus tard greffées successivement sur de récentes productions, et sans la connaissance de ce système il serait impossible de comprendre les livres sacrés Mahayana. Les orientalistes européens ont coutume d'appliquer à ce troisième système le nom de Yogacharya, si nous considérons que yoga signifie en sanskrit dévotion abstraite par laquelle sont acquises les facultés surnaturelles. Il nous devient évident qu'ils y ont été conduits par la conformité du nom avec le système auquel ils l'appliquent. Mais Vassiliev a clairement prouvé dans son ouvrage que Yogacharya n'est qu'une branche du système Mahayana, et il y substitue le nom de mysticisme, que j'ai également adopté. Ce nom a été choisi parce que ce système place la méditation, la récitation de certaines prières, la pratique des rites mystiques au-dessus de l'observation des préceptes et même de la moralité de la conduite. Le mysticisme apparaît pour la première fois comme système spécial au Xe siècle de notre ère. Il est appelé dans les livres sacrés Duskhi Korlo, en sanskrit Kaila Chakra, le cercle du temps. On rapporte qu'il a pris naissance dans la fabuleuse contrée Sambala, tibétain de Jung, source origine du bonheur. Ksoma, d'après de minutieuses recherches, place cette contrée au-delà du sœur de Rio, Yaksart, entre le 45e degré et le 50e degré de latitude nord. Le mysticisme apparut dans l'Inde en l'an 1025 après Jésus-Christ. Je ne puis croire que ce soit par hasard que l'ère du calendrier tibétain, dont je parlerai dans le chapitre 16, coïncide avec l'introduction de ce système. Je croirais plus volontiers, quoique cela n'ait pas été indiqué comme un point particulièrement important, que la rapidité avec laquelle ce système fut accepté le fit paraître aussi important que les événements furent dès lors datés de son apparition. Les principaux rites et formules du mysticisme et les théories sur leur efficacité présentent une analogie extraordinaire avec le chamanisme des Sibériens, et sont en outre presque conformes au rituel tantrika des hindous. À l'homme convaincu que les trois mondes n'existent qu'en imagination et qui règle ses actions d'après cette croyance, il promet le don de facultés surnaturelles bien supérieures à la force qui provient de la vertu et de l'abstinence et capable de le mener à l'union avec la divinité. Ces théories sont développées en deux séries de livres, connus sous le nom collectif de Dharani, tibétain Zung, et Tantra, tibétain Jyut. Les formules d'Arani doivent être très anciennes, et il n'est pas impossible que les chefs Mahayana en aient déjà pris quelque chose dans leurs livres. Les Tantras sont plus récents, Surtout ceux d'entre eux où l'observation des pratiques magiques est portée à l'extrême, même pour le mysticisme, quelle que soit sa forme. Wilson croit que les idées tantricas sont nées dans l'Inde dans les premiers siècles du christianisme, mais le rituel hindou actuel ne lui paraît pas remonter au-delà du Xe siècle. C'est probablement vers la même époque que les tantras furent introduits dans la littérature sacrée des bouddhistes. Leur origine moderne est prouvée par le récit des auteurs tibétains sur l'apparition du système Duski Korlo qui subordonne l'affranchissement de la métempsychose à la connaissance des tantras. C'est du moins ce que dit Penma Karpo, lama tibétain qui vivait au XVIe siècle, dans sa description de ses doctrines. Celui qui ne connaît pas les principes tantriques et tout ce qui s'y rattache est un vagabond dans l'orbe de transmigration. Il est hors de la voie du suprême triomphateur, sanskrit Bhagavan Vajradhara. Note. La prétention d'attribuer à Sakyamuni la paternité de ses doctrines n'est pas admissible à cause du style, du fond et des dates historiques. Fin de la note. Une autre preuve, mais indirecte, de leur récente origine, se trouve dans le fait qu'il y a très peu de livres tantriques en langue chinoise. Si les pèlerins bouddhistes chinois, qui voyageaient encore dans l'Inde au 7e siècle de notre ère, avaient trouvé ces traités, il les aurait rapportés pour les traduire et dans cette branche aussi la littérature chinoise serait plus riche que la tibétaine, tandis que c'est le contraire. En outre, on raconte aussi que les plus habiles magiciens indiens ou tantristes n'existaient pas encore lors des voyages des pèlerins chinois dans l'Inde et que les plus importants des tantras ont été traduits en chinois pendant la dynastie septentrional Sun qui régnait de 960 à 1127 après Jésus-Christ. Kaila Chakra est le titre de l'ouvrage le plus important de ce système, il se trouve en tête de la division Jiu du Kanjur aussi bien que du Tanjur, il a été expliqué et commenté à plusieurs reprises par des savants qui vivaient au 14e. 15e et 16e siècle, dont les plus illustres furent Pouton ou Bouston, Ketu et Penma Karpo. J'ai divisé les dogmes du mysticisme en quatre groupes. 1. Il y a un premier, un souverain Bouddha, Adi Bouddha, en tibétain Shoji Denkpo Sangyo, qui n'a ni commencement ni fin. Aucun Bouddha humain n'est arrivé pour la première fois à la dignité de Bouddha, et le Sambhogakaya, ou corps de félicité suprême des Bouddhas, a existé de toute éternité et ne périra jamais. Le premier des Bouddhas est appelé dans les tantras Vajradhara, tibétain Dorje Shangu Dorje Dzin, et Vajrasattva, tibétain Dorje Zampa. Dorje Shang et Dorje Dzin ont la même signification, tenant le diamant, Vajra, Sampa, Sanspa, signifie l'âme. Comme Vajradhara il est qualifié Bouddha suprême, suprême triomphateur, seigneur de tous les mystères, Sangbe Dakpo, le seigneur caché, en sanskrit Guhyapati, premier ministre de tous les Tathagata, l'être qui n'a ni commencement ni fin, l'être qui a l'âme d'un diamant, Vajrasattva. C'est à lui que les mauvais esprits soumis ou conquis jurent de ne plus entraver la propagation de la loi du Bouddha et de ne plus nuire à l'homme dans l'avenir. À Vajrasattva sont donnés les épithètes de intelligence suprême, souverain, Tsovo, président des cinq Dhyani Bouddha. Vajradhara et Vajrasattva sont aussi considérés comme deux êtres différents, Dans plusieurs traités ils paraissent en même temps, l'un posant les questions, l'autre y répondant. Leur position respective se définit mieux en supposant que Vajradhara est un dieu trop grand et trop plongé dans le divin repos pour prêter son assistance aux entreprises et aux travaux des hommes, et qu'il agit par l'intermédiaire du dieu Vajrasattva, qui est à lui ce qu'est un Bouddha humain à un Dhyani Bouddha. Cette explication est appuyée par l'épithète de président des Dhyani Bouddha. Par le nom de Dhyani Bouddha, Bouddha de contemplation, ou par l'expression Anupendaka, sans parents, on désigne des êtres célestes corpondants ou Bouddhas humains qui enseignent sur la terre et qu'on appelle Manushi Bouddha. Les bouddhistes croient que chaque Bouddha qui enseigne la loi aux hommes se manifeste en même temps dans les trois mondes reconnus par leur système cosmographique. Dans le monde de désir, le plus inférieur des trois, auquel la terre appartient, le Bouddha se montre sous la forme humaine. Dans le monde de forme, il se manifeste sous un aspect plus sublime comme Dhyani Bouddha. Dans le plus élevé, celui des êtres incorporels, il n'a ni forme ni nom. Les Dhyani Bouddha ont le pouvoir de créer d'eux-mêmes, de leur propre substance, par la vertu de dhyana ou méditation abstraite, un fils également céleste, un Dhyani Bodhisattva. Celui-ci après la mort d'un Manushi Bouddha, est chargé de la continuation de l'œuvre entreprise par le Bouddha décédé, jusqu'au commencement de la prochaine époque de religion, jusqu'à l'apparition d'un nouveau Manushi Bouddha. Note. Les Bouddhas sont hommes, et soumis aux conditions physiques établies pour la nature humaine. C'est en conséquence de ce principe que l'existence de chaque Bouddha sur la terre est limitée par les lois qui fixent la période pendant laquelle il apparaît, à la durée de la vie humaine, qui varie de 80 à 100 ans. Lorsque cette période est écoulée, il meurt, ou, comme disent les bouddhistes, il retourne à Nirvana. Fin de la note. Ainsi chaque Bouddha humain se complète d'un Dhyani Bouddha et d'un Dhyani Bodhisattva, le Bouddha humain a de plus une compagne féminine, une Sakti, le nombre des premiers étant illimité, implique également un nombre illimité des derniers. Au milieu de cette multitude les cinq Bouddhas de la période actuelle de l'univers sont particulièrement révérés. Quatre de ces Bouddhas ont déjà apparu, le quatrième est le dernier qui se soit manifesté jusqu'à présent et Sakyamuni, son Dhyani Bouddha est Amitabha, en tibétain Otpegmed, son Dhyani Bodhisattva est Avalokitesvara ou Padmapani, généralement invoqué au Tibet sous le nom de Shanrasi. Au Dhyani Bouddha de ces cinq Manushi Bouddhas s'ajoute, comme le sixième est le plus élevé en rang, Vajrasattva. C'est à lui ou à Amitabha, qui le remplace parfois, que les Tibétains attribuent la fonction de Dieu suprême. C'est l'une de ces deux personnes divines que l'on prie dans les cérémonies pour assurer le succès des entreprises. La croyance en la nécessité absolue de leur assistance est si formelle qu'un lama disait à mon frère qu'une cérémonie sans prière à Dorje Zampa, Vajrasattva, ressemble à un oiseau qui, les ailes coupées, essaie de voler. Je puis ajouter les détails suivants au sujet des représentations par le dessin de ces personnes divines. Une peinture sur toile qu'Adolphe reçut de Toling, province de Gnari Korsum, représente Vajrasattva avec un teint rose, tenant dans sa main droite le Dorje et dans la gauche une cloche, celle-ci, en tibétain Drilbu, est identique de forme à celle que l'on emploie pour marquer les pauses dans les chants des chœurs sacrés. Vajrasattva est entouré de groupes de dieux représentant les protecteurs des hommes contre les mauvais esprits. Amitabha est représenté dans toutes les images que j'ai vues, avec un teint rouge vif, dans une peinture, très joliment exécutée, de Mengnang, province de Gnari Korsum. Les sept choses précieuses étaient ajoutées au-dessous du siège. Tibétain Rinchen Nadun, ce sont, Korlo, Sanskrit Chakra, la rose, Norbu, Sanskrit Mani, la pierre précieuse, Tsunpo, le royal époux, Lompo, le meilleur trésorier, Tashog, le meilleur cheval, Lengpo, l'éléphant, Maglon, le meilleur conducteur. 2. Les idées ou les phénomènes du monde ne doivent point être choisis pour sujet de contemplation, mais par la méditation qui analyse un sujet religieux quelconque, Zinlatong, Vipassana, l'homme acquiert de nouvelles facultés, pourvu qu'il concentre ses pensées sur un seul objet avec la plus grande application. Un tel état de calme et de tranquillité, en sanskrit samatha, est pourtant très difficile à acquérir, il n'est pas facile de concentrer son esprit, ce qui demande une longue pratique. Mais si l'homme parvient enfin, aidé par des exercices préparatoires, à méditer avec un esprit impassible sur les plus profondes abstractions religieuses dans les quatre degrés de méditation, dhyana, tibétain s'entend, il arrive à une entière imperturbabilité, samapatti, tibétain nyompa, qui a aussi quatre gradations. Le premier résultat est l'absence parfaite de toute idée d'individualité. Des secrets et une puissance cachée jusque-là se révèlent tout à coup et l'homme est alors dans le chemin de vision, tonglam, par une méditation continue, ininterrompue sur les quatre vérités, son esprit devient surnaturellement pur et s'élève par degrés à l'état le plus parfait, appelé le fait, ce mot, en sanskrit mourdant, patience, zotpa, en sanskrit kshanti, est le suprême dans le monde, en sanskrit lokottara dharma. Ce dogme est en contradiction flagrante avec le principe Mahayana que la méditation sur un objet quelconque empêche l'homme d'atteindre au plus haut degré de perfection. 3. Le récit de paroles et sentences mystiques, Dharani, Zung, dispense sur l'homme toutes sortes de félicités et lui assure l'assistance des Bouddhas et Bodhisattvas. Ces Dharani ont été adoptés par suite de ce besoin de charme, remède contre la crainte du danger, qui se fait partout sentir, cependant les bouddhistes croient qu'ils ont été donnés par Sakyamuni, ou par les Bouddhas, Bodhisattva et Dieu sur qui les Dharani sont supposés exercer leur influence. D'après les livres sacrés, le nombre des formules enseignées par ces dieux est immense et toutes sont tenues pour également efficaces. Vassiliev pense que le grand nombre auquel il est fait allusion se rapporte à la quantité de vers, gatha, ou même de simples mots des traités qui décrivent leur puissance et les cérémonies au courant desquelles on les récite. Ces formules sont toutes de courtes sentences, ou même un petit nombre de mots tels que les noms et épithètes des Bouddhas et des Bodhisattvas. Il y a quelques Dharani qui valent la pratique des paramitas, d'autres soumettent les dieux et les génies, ou appellent les Bouddhas et les Bodhisattvas, quelques-uns procurent la longévité ou l'accomplissement des souhaits, d'autres guérissent les maladies, etc. On prétend même que la seule prononciation des lettres dont le dernier est composé ou bien leur seul aspect donne pouvoir sur les êtres dont ils traitent, ou fait réussir les desseins pour lesquels on suppose que ces divinités accordent leur assistance. Il ne faut pas altérer les dharani en les récitant ou en les écrivant, car chaque lettre a son pouvoir magique et c'est en raison de cette croyance qu'on ne les a pas traduits en tibétain et que l'alphabet tibétain a été adapté à la reproduction exacte de chaque lettre sanscrite. Note. Les noms sanscrits des Bouddhas et Bodhisattvas ont pourtant été traduits en tibétain, mais ces noms sont rendus aussi littéralement que possible. Je citerai comme exemple Amitabha et Otpagmed, Avalokita et Chanrossi, Vajrasattva et Dorjeshang. Pour le plan alphabétique du sanskrit écrit en caractère tibétain, voyez la grammaire de Ksoma, page 20. Fin de la note. L'influence magique des mots est déduite de la non-réalité de tous les objets existants, toute existence étant purement idéale, le nom est juste autant que l'objet, par conséquent si on a pouvoir sur un mot exprimant une chose, on dispose aussi de la chose même. On attribue la même influence à des signes de convention formés par une certaine disposition des doigts, Shakja, en sanskrit mudra. Tous les objets étant identiques sous le rapport de leur nature, les signes qui symbolisent les attributs d'un dieu ont le même effet que les paroles et les sacrifices. 4. Le récit des dharani combiné avec la pratique de rites magiques et aidé par la moralité et la contemplation amène aux facultés surhumaines, en sanskrit si dit, bien plus même, à l'union avec la divinité. Cette doctrine, selon toute probabilité, s'est développée récemment. Les livres tantras abrégés traitent de ce dogme et disent que par l'art magique on peut atteindre ou un but mondain, comme la longévité et la richesse, ou un but religieux, comme la puissance sur les esprits malins. L'aide d'un Bouddha ou d'un Bodhisattva, ou se faire délivrer par l'un d'eux du doute et de l'incertitude sur un dogme. Mais le but principal est d'obtenir l'affranchissement final de la métempsychose et la renaissance dans la demeure d'Amitabha. Cette fin peut s'obtenir, grâce aux cérémonies magiques, dans une seule existence. Au lieu d'être la récompense de privations continues et d'innombrables séries d'existences. Les observances relatives aux arts magiques et la description des rites magiques sont données chapitre 15. Markandanarchive.org 2022, d'après Gallica BNF.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.